Amo ya que vive el amor, con el que recuerdo el Señor, el que nos ama. Il était une fois la terre, il était une fois le ciel. Dieu au milieu comme un mystère, Dieu invisible et immortel. Un peu seul dans l'éternité, il créa les êtres humains. Il avait de quoi s'occuper pour leur montrer le droit chemin. Y'a des mauvais moments. Que pense-t-il dans son palais du résultat de son travail? Est-ce bien ce qu'il espérait de l'univers?